Moi, je me manifeste, je régule la température, j'accroche, je décroche le micro. Des pains de matière première, des pains du pétrole, ils ont puisé dans la mer. Mère Teresa, Tassa. Bingo, bingo, le lolotome, je m'y approche, je dépasse par la droite, j'arrive, je suis là, hasta vista. Qui peut, qui dit, qui accroche, qui décroche, sans un diplôme, qui l'a fait à l'inverse de sa rayonnera. Je vise le mille, je déploie mon esprit à charge de revanche. Je promets, je dis, je réforme les retraites qui sont traites pour les maçons. De droite à gauche, juste un simple niveau sépare. Mère nature nous a pris pour cible le sexe panoplie, je suis un X-Cotender. Je fais mon assiette alien en vue, j'ai relu les DVD inspirés à temps réel enregistreur mondial. Les infos sont caduques à la plus, je peux plus arbitrer la météo, coup fatal, virus V2. Du journal qui passe sur les ondes informatiques, on se retrouve à l'optique d'outils circulent. La mythologie grecque nous a donné le feu depuis lointain. Les journalistes sont sur Wikipédia, la mafia tourne une nouvelle page, on est dans les histoires, je suis ombre et de lumière, qui est là, qui va là, numéro 2 mondial, je suis en 2048, nostalgique, sur carte postale, c'est nostal, toujours quelqu'un plus haut, au-dessus de moi, pour ma sécurité, arriver au bout, finir la tâche, ce qui évoque une opinion longue. Je suis Léon et putain thème se refait les boucles sur e-book. Je circule en voiture volante électrique, j'ai mon permis de conduire, bac pro Melec. Je savonne, hardcore gamer, code à volonté, coparfil est toujours là. Je fais ma vaisselle à l'eau de savon de Marseille. Je baigne parmi les milliards d'euros, je rachète les zéros à la banque centrale. Je vide les comptes, j'enregistre, je donne et je redonne. Petit comme une allumette de foot et vivant, le foot de rue m'appartient. À la tienne, tienne, zinzin, un son, un zozon, pour un tatou, j'en ai quatre. Je suis ici, mano mano, et en ligne, nouveau CD, nouvelle instru rap. Ping-pong, phone et billes de ma John, comme au Japon. Nouveau délire, nouvelle particule, j'ajoute. Microscopique, sommet, syllabe, je pile droit devant, toujours la boussole vers le nord, et je vous redonne le bord.